Tuer quelqu'un, c'est mon god, tuer son trou. On crèvera tout armé, on baise. On baise comme des bêtes, c'est comme ça je me laisse faire. Moi. Comme des bêtes, c'est comme ça je me laisse faire. Moi, il est là, par ici, puis par là, leur voilà. Quoi? C'est comme ça, j'y peux rien, sur le dos, sur le ventre. Ça me fait mal, mais on baise. On baise comme des bêtes, c'est comme ça je me laisse faire. Moi, on baisse comme des bêtes, c'est comme ça je me laisse faire. Moi, je sais pas qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il aime. Il sait pas qui je suis moi, on sait pas qui on est, mais on baisse. On baisse comme des bêtes, c'est comme ça. Comme ça, je me laisse faire.